Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Les Bruncheurs. Salut, salut. Aujourd'hui, nous allons vous parler, petit coin sympa pour prendre le 4 heures. On vous emmène une nouvelle fois à Saint-Malo. C'est pas du tout une ville qu'on aime. On y va souvent, on vous l'a déjà dit. Et du coup, on a une autre bonne adresse à vous donner dans cette petite ville bretonne. Une très bonne adresse même pour prendre un petit 4 heures et faire des emplettes. Ouais, puisque c'est un concept store et un coffee shop en même temps. Donc, y a plein de petits objets déco. Y a une partie épicerie aussi, il me semble. Local et bio. C'est tout, c'est un peu design et tout ça. C'est des marques, y a des marques made in France et puis il y a des marques d'inspiration un peu scandinave. Il y a genre des petits jouets pour les enfants, il y a un peu de... C'est beaucoup de la déco, des petits trucs de cuisine, de ce genre de choses. Et puis dans le fond de la boutique, il y a des tables, des chaises, canapés et ça fait aussi, ça fait café en fait. Petits produits locaux aussi, bio. Tout est fait maison, tout ce que les pâtisseries qui proposent et tout ça, c'est fait maison. Donc voilà, nous sommes allés pour un 4 heures, prendre un petit 4 heures quand même, en se baladant. On a découvert ça un peu par hasard. Totalement, oui, même par hasard. En fait, on n'avait pas tellement vu que c'était un café. Je crois qu'on a remarqué à cause de la terrasse. Oui. Alors bon, là... On l'avait remarqué la première fois. On y retournait quand il faisait beau. Et du coup, à l'extérieur, ils avaient une terrasse. Bon, alors la rue qui est à côté de la boutique est une grande descente. Leur terrasse est donc évidemment un peu plus haute. Enfin, elle est un peu sur pilotis. Du coup, ça m'a... Intrigué. Ouais, voilà. Et puis, on est passé. Puis, on a fait le tour dans le vieux Saint-Malo. Et finalement, je me suis dit, ah ben, on a qu'à retourner là-bas. Ça avait l'air sympa. Et on est rentré, donc on a vu que c'était un concept store qui faisait aussi café. Et surtout, ils avaient mis un petit panneau devant où il y avait marqué Frozen Yogurt. Et là, j'étais mais faut qu'on essaye. Donc, on n'a pas été déçus. Hein. Je n'avais jamais mangé de Frozen Yogurt de ma vie. C'est la première fois. Alors, fallait bien que je teste quand même. C'était important. Et je peux vous dire, c'est très très bon. Mais après, il n'y a rien de. En fait, tout le monde est là. Frozen Yogurt. En fait, c'est juste du yaourt glacé. Oui, c'est pas vraiment de la glace. Parce que c'est moins dur que de la glace, je trouve que c'est plus onctueux. Aussi onctueux, ça me fait penser un peu à la glace italienne en fait, au niveau de l'onctuosité. C'est pas tout à fait pareil. Non, c'est pas la même, mais c'est dans l'onctuosité en tout cas. Ouais, et puis dessus tu peux mettre des trucs, donc là, au choubidou, d'ailleurs oui, on n'a pas dit le nom de... c'est un peu important en fait. Donc le nom de ce café / boutique, ça s'appelle le Choubidou. Il est au 4 Place Brevet à Saint-Malo, donc dans l'Intramuros. Et c'est vraiment cool parce que pour le Frozen Yogurt, vous avez le choix avec du coulis. Alors je ne sais pas s'il y a un coulis ou deux coulis. Je crois que c'était coulis fruits rouges, nous à chaque fois. Ou granola maison. Alors soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Ou alors vous pouvez mettre les deux pour un petit supplément. Granola maison, qui est vraiment très très bon. Qui nous a donné envie de faire du granola. Non, c'est pas ça qui m'a donné envie de faire du granola, mais c'était cool. C'était vraiment bon, pas trop sucré. Et puis, toi, tu as pris une bière, il me semble. Oui, une bière locale. La Bosco, une microbrasserie de Saint-Malo. J'aime bien découvrir, je connaissais pas du tout. Et oui, excellente. Après, c'est sûr, pour un 4 heures, la bière, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais là, elle était très légère. C'est une IPA. Je crois. Oui, c'était une IPA que j'avais pris. Et très bonne. Et ça se mariait très bien avec le frozen yogurt. Ouais, franchement, moi, j'ai bien aimé. Puis, encore une fois, voilà, micro-brasserie locale. Et cette bière, on la trouve qu'à Saint-Malo ou tu peux la trouver ailleurs? On a trouvé dans les magasins Saint-Malo. J'en ai pas trouvé. Alors, à Rennes, je suis pas allé encore au magasin spécialisé bière. Mais je sais qu'en grande surface, j'ai pas vu la Bosco. Mais je suis persuadé que dans un magasin spécialisé dans les bières, tu vas en trouver, c'est sûr et certain. Ou sinon, en regardant un peu sur Internet, ils ont leur point de vente et ils ont leur site Internet de la microbrasserie où on peut les commander. Mais ils ont un point de vente à Saint-Malo. Oui, puis ils doivent être présents dans les différents bars et tout ça. Oui. Ça prend de plus en plus d'ampleur, la microbrasserie. Hein. Et d'un côté, c'est tellement bon qu'on peut pas refuser. Hein. Ils font des très bonnes bières, donc... Non, c'était une bonne découverte aussi. Moi, la première fois, je crois que j'avais pris une espèce de limonade ou un truc à l'hibiscus, mais avec des bulles. Et je pense que c'était local aussi, mais je me souviens plus exactement ce que c'était. J'ai souvenir que c'était bon, mais je me souviens plus exactement ce que j'ai bu. La deuxième fois qu'on y allait, j'ai pris un cappuccino, je crois. Oui. Et il me semble, mais sauf que j'ai plus de souvenir de ça et j'ai pas pris de note, mais il me semble que vous pouvez le prendre avec du lait végétal. Je sais plus si moi, il me semble que ça a été fait avec du lait de Oui. soja, mais je suis plus sûre. Donc voilà, mais c'est vraiment un super chouette lieu, puis Très c'était beau. très très bon. Très bon, très beau. Oui, à l'intérieur, c'est C'est assez vraiment très très joli. design, c'est Oui. très lumineux parce qu'ils ont des grandes grandes fenêtres. Après, c'est sûr que, et c'est aussi, je pense, pour ça qu'on voulait en parler, bah déjà parce que c'est une chouette adresse et c'est bon et c'est vraiment sympa comme endroit, mais aussi parce que le lieu passe un peu inaperçu. Et on avait demandé d'ailleurs à la propriétaire la première fois on y allait, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, et je lui ai Oui, demandé quand c'est est-ce qu'elle étonnant avait d'ailleurs. ouvert, et ça faisait à peu près un an Non, qu'ils avaient ouais. ouvert. Quand on y était la première fois, ça faisait à peu près un an, oui. Ouais, et ben, c'est vrai que les gens passent à côté, puis on se Ben, rend pas compte en fait en qu'il y a fait, ça. malgré. Ben, elle a mis des signes dehors, enfin, elle a mis une petite pancarte et elle a l'insigne de Oui, mais la. l'insigne n'est De, pas très et grand. pas très grand. Et puis le bâtiment est assez imposant Oui. quand. C'est un grand bâtiment en pierre. Mais c'est vrai qu'on le voit pas. Quand on passe, il y a tellement de. En fait, c'est une rue passante. Oui, Où on c'est est, ça. Et il y et a il y a beaucoup de tellement de bars magasins, et il y a plein de de choses qu'on commerces, voit pas ouais. forcément. Et pourtant, voilà, ça mérite vraiment le détour. Après, je pense pas que ça soit un magasin qui vise les touristes véritablement, contrairement à d'autres qui sont tout autour de tous les autres magasins qui sont tout autour. C'est vraiment un magasin pour les Oui, touristes c'est vrai, c'est vrai. Oui, ça fait plus pour les gens de ou Saint-Malo les ou gens qui les... Oui, connaissent ou voilà, ou les gens voilà. qui connaissent vraiment bien Saint-Malo et Voilà. qui viennent pas genre pour visiter Saint-Malo ou Après, rien genre n'empêche d'y repartir aller. avec un ciré jaune et Oui, un petit voilà. top à rayures. C'est un magasin, c'est un endroit sympa pour se poser, parce que c'est calme à l'intérieur, Oui, c'est c'est très vraiment calme. calme, ouais. Et même la première fois, on a mangé et bu dehors Oui, sur leur terrasse, sur leur ouais. terrasse. Et ça a beau être une rue passante, ça va, c'est pas la cohue, c'est pas. Non, non, non, On ça s'entendait va. quand même. Oui, C'est pas la bah pire oui. des rues, en tout cas, par Non, c'est rapport. sûr. Mais c'est vrai que c'est un chouette lieu, puis je me dis que bah si nous on, tu vois, on est passé à côté une fois et je me dis que voilà, si vous êtes à Saint-Malo, ça fait partie des petits cafés vraiment sympas et qu'on vous conseille en fait. En plus, ce qui est cool, c'est que c'est ouvert le dimanche. Ah Nous, je me oui, souviens, en fait, on effectivement. y est allé un dimanche parce qu'on savait pas quoi faire et donc on est allé se balader à Saint-Malo. Et c'est sûr que bon, le dimanche, les trucs ouverts, Bah c'est moins bien, quoi. c'est touriste. C'est pas du haut de gamme. Oui, c'est Et touristique. là, du coup, c'était cool de Ouais. trouver ce lieu qui est ouvert le dimanche pour, voilà, un dimanche après-midi, si tu veux te balader dans une ville que tu connais pas trop et tu peux quand même te poser dans un endroit sympa, bah, Choubidou, c'est parfait. Ah, c'est parfait. Ouais, c'est une très très très bonne adresse. Donc c'est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h30 à 19h. Je vous conseille, ils ont une page Facebook et aussi un site internet, donc vous pouvez y aller faire un petit tour. Et puis je pense qu'on a à peu près tout dit. On a tout dit, je pense. Là, on peut passer à la notation. Ils font pas de brunch malheureusement. Enfin, je crois pas. Non. Je crois pas qu'ils fassent de brunch. Dommage. Non, non, Mais ouais, pour s'arrêter, soit pour un genre petit goûter, tu sais, genre café avec une petite collation, Oui. ou en fin d'après-midi, vu qu'il ferme à 19h, eh bien, oui, du coup, qu'est-ce qu'on a préféré? Ben, ça va être facile, Ça va être là. facile, oui. Ça, bah, le frozen yogurt. Ben ouais, je pense que ça va être Avec, la même chose pour voilà, nous deux, parce que c'était juste trop bon. avec le granola maison. Qui était vraiment exquis. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais bon, on peut pas dire grand-chose dessus. C'est juste qu'il était fait maison et il était vraiment très très bon, très équilibré, Ouais. pas trop sucré. Et ça s'équilibrait très bien justement avec le frozen yogurt qui lui était un petit peu sucré. C'était Ouais. parfait. Ah oui, vraiment très bon, le super yaourt glacé. Puis moi, je vous conseille de prendre avec le coulis parce que du coup, t'as ce mélange quand même de un peu goût fruité, t'as le croquant du granola et l'onctuosité du yaourt. Le C'était. coulis, il est fait maison aussi ou oui, je pense. Je Je sais sais pas. pas. Mais il était pas trop Aucune sucré? idée. Non, non, Non, il était bien. c'était vraiment bon. Moi, c'était fruits rouges, donc. Bon, petite mention quand même pour la bière de Saint-Malo. Quand même, elle était bonne. Et donc ensuite, on passe À à une la note notation. absurde. J'ai pas pensé encore. Moi non plus, mais on n'y pense jamais, hein, On n'y de pense toute façon. jamais. C'est pour ça que ça devient absolument n'importe quoi. On dit juste n'importe quoi. Ça va être 4 Vespa et demi. Ah oui, parce qu'il y a une Vespa dans le Choubidou, il y a une petite Ouais. Vespa. Très, très sympa, très mignonne. Retapé, refait et qui est fonctionnel et qui doit appartenir, je crois, à un des gérants. Avec l'étiquette, n'est pas à vendre. Dommage, elle est Ouais, jolie. très jolie, En moi. même temps, bon, tu vas pas genre dans une boutique comme ça pour t'acheter une Non, Vespa, c'est sûr. mais ouais, très mignonne. Eh bien, moi, je ne sais absolument pas, donc je vais dire 3 cappuccinos avec une petite bougie parfumée à l'amande. Voilà, ça va être ça ma note. Eh Eh ben ben, voilà, ça voilà, va être c'est un petit un petit épisode épisode rapide. pour un petit 4 heures. Oui, à À Saint-Malo. Saint-Malo. Non mais c'est vrai que c'est une chouette ville, Saint-Malo. Donc y a plein de trucs sympas. Donc voilà, Choubidou Oui. en fait partie. À d'autres à venir. Bah peut-être non, mais les prochains épisodes, ce sera pas un Pas Saint-Malo, Saint-Malo. vous inquiétez pas. On arrête notre section Saint-Malo là après. Pour l'instant, Bon bah sur voilà. ce, on vous souhaite un bon dimanche, bon brunch si vous en prenez un ou si vous en avez pris un. Et puis on Et vous dit à à bientôt. très Aussi bientôt. n'oubliez pas je vais le dire vite vite à la fin. Les épisodes sont disponibles sur Apple Podcasts, sur PodCloud, sur YouTube aussi éventuellement. Et vous avez aussi notre compte Instagram, Les Bruncheurs, si vous voulez voir des petites photos des lieux et des choses dont on vous parle dans les épisodes. Et ben ça se passe sur le compte Instagram. Voilà. Et sur ce, je vous fais des bisous. Ciao!